Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, un passé de paillettes. Cinéma, chansons et musical, les Arabes font la fête. C'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. Le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. La dernière fois que nous nous sommes causés, c'était en 2007. Autrement dit, il va falloir, si vous l'acceptez, refaire quand même quelques présentations. Je précise que quand nous nous étions parlé en 2007, c'était à propos d'une de vos œuvres, El Herido, La loi du profit, qui évoquait la question des travailleurs, que dire des travailleurs, des esclaves plongés sous les serres en plastique dans l'Andalousie. C'est un film d'ailleurs dont j'ai gardé vraiment beaucoup de souvenirs et dont j'ai beaucoup parlé autour de moi. Alors, si vous le voulez bien, pouvons-nous refaire les présentations? Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Jawad Ghalib. Je suis belgo-marocain, cinéaste belgo-marocain, et je travaille sur des longs métrages fiction, documentaires, qui tournent autour du réalisme social et qui dénoncent un petit peu tout ce qui ne tourne pas rond, quoi, dans nos sociétés, sur les plans politiques, économiques, sociaux. Voilà, en gros, ce que je fais en termes de thématiques maintenant, c'est des thématiques assez larges. Ça peut être sur l'immigration, comme sur la politique, avec pas mal de documentaires sur ce thème-là, notamment un qui s'appelle Au nom de la coca, qui revient dans l'actualité avec Evo Morales du côté bolivien. Ou sur le plan écologique et aussi politique et économique, comme El Herido, la loi du profit, ou Les damnés de la mer, qui parle de l'exploitation des ressources halieutiques en Afrique par le Nord, ou bien encore, mon dernier long métrage documentaire, Autant les Arabes danser. C'est toujours en fait des thématiques d'actualité qui traitent d'une question de liberté de penser, de s'exprimer dans un monde qui est de plus en plus radicalisé, où justement, et ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que ça concerne ma communauté. Quoi que je fasse, j'appartiendrai toujours à cette communauté d'origine arabe et musulmane, ou arabe et musulmane, qui malheureusement est infecté par des mouvements radicalistes qui viennent surtout des Wahhabites, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et l'Iran aussi, qui sont en train de s'infiltrer, qui se sont infiltrés un peu partout dans le monde et qui essaient de dicter leurs lois, et notamment leur loi du silence, c'est-à-dire que si on ne parle pas si on dit pas du bien de la religion, de l'islam, d'Allah, etc., si on veut s'exprimer par son corps, par la parole, on est tout de suite dans le blasphème et on est tout de suite condamné. Jawad Ghalib, je vous délaisse un petit moment pour m'adresser aux auditeurs. Écoutez donc cette musique, là on va entendre la musique originale de votre film. Fermez les yeux, évidemment si vous n'êtes pas au volant, et imaginez. Imaginez une danse du ventre dans un cabaret, ou encore dans un appartement, une jeune femme jette dédaigneusement un torchon, et en une seconde, retrouve la grâce par le simple mouvement de la danse. Ou bien encore imaginez un défilé de mode, sans doute quelque part au Proche ou au Moyen-Orient, où une femme, sans voile, défile. Plonger ainsi en une minute dans l'univers d'un film, cela n'arrive pas tous les jours. Cela vous arrivera peut-être quand vous découvrirez Au temps où les Arabes dansaient. Jawad Ghalib, je reviens à vous. Depuis que nous nous sommes parlé, dans votre parcours, effectivement, la fiction s'est ajoutée au documentaire. Et j'ose dire que dès les premiers plans du film, ça se sent. En fait, tout dépend des thématiques. Là, on est dans une thématique avec des artistes et on les laisse vivre. La caméra, elle est là, elle est plongée dans le réel. On est en immersion avec des points de vue, avec des vies, avec des créations. Et c'est clair que ça donne l'impression d'être une fiction, mais ça ne l'est pas. À la plage. À la barre. Tu as dit que tu étais là? Oui, oui. Il y a quelque chose qui est d'autant plus passionnant, c'est que vous faites chevaucher là des images et une musique qui n'a de prime abord absolument rien à voir, qui n'est pas la musique originale des scènes que l'on voit sous les yeux, et pourtant cette association fonctionne parfaitement. Oui, tout à fait, parce que justement la musique, en fait, c'est un des personnages du film. Et ça a toujours été très présent et très important dans mes films. Et donc, il y a eu un réel travail à ce niveau-là, au niveau de la composition avec Simon Fransquet, qui travaille toujours avec moi sur d'autres films. Et donc, il fallait raconter quelque chose avec la musique et ne pas venir juste caler de la musique sur des images et dire, voilà, on vous met de l'ambiance. Non, on vous raconte quelque chose. Et quand je pense également à la fiction, je pense notamment au silence assez nombreux qui accompagne votre documentaire, où vous laissez planer, flotter, résonner les moments, les tensions. Cette présence du silence, elle n'est pas si fréquente dans le monde du documentaire. Il faut oser, il faut prendre le risque, parce que malheureusement, pas mal de chaînes de télé, surtout les chaînes de télé, hein, donc ils aiment bien quand ça parle, quand il y a un doublage, voilà, ça doit dérouler. Ça doit être explicatif. Des news, mais c'est explicatif aussi. Donc moi, je fais confiance en l'intelligence du spectateur et du téléspectateur. Et je me dis, c'est pas la peine de commencer à lui prendre la main et lui dire, viens, je t'explique ce que tu vas voir et ce que j'ai envie de te raconter. Et donc, je laisse vivre l'image. J'adore laisser l'image avec des tableaux, avec cette présence de musique, avec le silence. Il faut oser. Il faut pas avoir peur, en fait, du silence. Le silence fait partie de nos vies. Jawad Ralib, je reviens au temps où les Arabes dansaient. Si le titre de votre documentaire dit beaucoup, il ne dévoile, sans mauvais jeu de mots, pas tout. Cette semaine, nous avons évoqué la danse, les écrans, les mélodrames, les comédies musicales. On a évoqué Hollywood sur le Nil, jusqu'au cinéma de Marseille ou de Barbès à Paris, et sans doute aussi d'autres salles en Belgique, jusqu'au paysage actuel où chanter, danser rime avec crime de lèse-majesté. Mais plutôt que de se contenter d'un rappel mécanique de l'histoire ou de la géopolitique, vous nous proposez une plongée auprès de celles et ceux qui vivent désormais dans ce paysage, où se côtoient bien des émotions, la mort, la peur, le courage, l'audace, le cri. Pourriez-vous nous raconter la naissance du film? Ah, la naissance du film, ça c'est pas mal. Je vais pas la raconter en fait, parce que je la raconte dans le film. Et donc le début du film, on comprend tout de suite pourquoi ce film et comment il est né. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que en tant que voilà, je suis d'origine arabe et musulmane. Je parle jamais de ma religion ou ma religiosité ou est-ce que je suis croyant ou pas. Ça, je rentre pas dans ce détail. Mais je suis un peu choqué par des images auxquelles j'étais confronté à mon arrivée, par exemple, en Belgique. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai eu mon baccalauréat au Maroc, je suis venu faire mes études en Belgique. Et quand je suis arrivé ici, j'étais choqué, franchement, de voir des gens vivre tous ensemble, en communauté, manger la même chose, s'habiller de la même façon, et surtout s'habiller, c'est-à-dire que je vois des gens habillés en tenue afghane, en burqa, et je me disais, mais dans quel monde on vit? Je suis arrivé en Europe, c'est un pays, la Belgique en tout cas, c'est un pays qui m'a accueilli, qui m'a offert ma nationalité. Ils me l'ont vraiment offert. J'ai pas passé d'examen ni quoi que ce soit. Je l'ai eu en je crois, 3 mois, même pas. On me l'a donné. Et je dois beaucoup à ce pays. Et je me dis, je suis ici, je vais, bien sûr, je garde ma culture, mais je vais m'assimiler. Je vais pas m'habiller en djellaba, ou même si j'ai jamais porté de djellaba, mais je vais pas m'habiller en djellaba, je vais pas sortir dans la rue avec des babouches, etc. Donc je vais m'adapter à l'environnement belge, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde, et ça m'a choqué. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est justement le fait que moi je suis tolérant, je n'ai rien contre les personnes qui s'habillent en djellaba ou portent des babouches, c'est pas du tout, ils sont libres, mais que eux ne m'imposent pas une façon de m'habiller, de manger, de vivre, d'écouter de la musique, etc., etc. Et c'est le cas. C'est-à-dire que quand on traverse une rue où il y a beaucoup de personnes de la communauté arabo-musulmane, on est mal vu parce qu'on porte une mini-jupe ou parce qu'on porte un tatouage ou parce que, voilà. Et donc ça m'a choqué. C'est là où a commencé à entre autres, à naître cette idée de dire stop, l'islam c'est pas ça, l'islamisme oui, mais pas l'islam. L'islam n'interdit pas la musique, pardon, n'interdit pas la danse. La danse et la musique et l'art ont toujours cohabité avec la religion, ils ont même été très très encouragés par la religion musulmane. Jawad Ali, vous arrivez quand, vous, en Belgique? Moi, je suis arrivé pour mes études en 82, puis je suis reparti au Maroc, travailler au Maroc, où j'ai fait des émissions télé, j'ai fait des documentaires, des séries de documentaires au Maroc, parce que là aussi, j'avais pas mal de choses à exprimer, à raconter. Et puis, je suis revenu en Belgique en 97, parce que j'avais découvert donc l'histoire d'un homme entre autres qui s'appelle Evo Morales et je me suis dit cet homme-là, il faut trouver le moyen d'aller le filmer, le rencontrer, et les moyens ne me permettaient au Maroc ne me permettaient pas de le faire, par contre en Belgique oui, et donc je me suis installé en Belgique et c'était le démarrage de mon travail en Belgique. Alors je reviens au temps où les Arabes dansaient. La diffusion de votre documentaire en Belgique, je me suis interrogé, comment s'est-elle passée? Quelles ont été les réactions? On les imagine nombreuses, variées, allant du plus sympathique au plus virulent. Me trompe-je? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une large diffusion, projection du film, à la télé bien sûr, mais surtout au cinéma, donc on a fait une sortie salle, et surtout, ce qui est très très intéressant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le soutien d'une dame politique qui s'appelle Fadila Lanane, qui a soutenu le film financièrement pour qu'on puisse projeter le film dans 2 salles de cinéma gratuitement à des scolaires qui ont 16, 17, 18 jusqu'à 21 ans pour des écoles techniques, 21 jusqu'à 23 ans je pense. Et là c'est le choc en fait. Là c'était vraiment, on a fait 5000, pratiquement presque 5000 élèves, 5000 jeunes, avec leurs profs, avec leurs directeurs d'école, etc. Et là c'était un réel choc parce que on a découvert, pas moi, mais l'institution, l'enseignement public, qui était aussi partenaire, et je les remercie vraiment, vraiment pour leur courage, parce que c'était vraiment courageux de d'emmener, même si c'était gratuit pour les jeunes, de les emmener au cinéma voir ce film. Et pendant les séances, nous, on était là à observer, ben, il y avait beaucoup d'insultes. Ils insultaient les personnages du film. Et puis après la projection, c'était un combat de boxe en fait. C'était, je me retrouvais face à beaucoup de jeunes, une majorité silencieuse. C'était vraiment en fait la représentation parfaite de ce qui se passe dans la rue, à l'extérieur, dans la vie. Dans une salle de cinéma, on avait une majorité silencieuse qui n'osait pas parler, qui n'osait pas dire son avis, son point de vue, et une minorité qui était là, violente, virulente, à insulter, à menacer, à défendre des idées vraiment islamistes, à me sortir des textes d'Internet. Ils étaient tous sur leur portable à me sortir des trucs. Bah, regarde, tel imam, il dit que la musique est interdite, c'est haram, la danse, etc. Qu'on va... Et puis... Puis je les écoutais, bien sûr. Il était hors de question d'entrer en confrontation avec ces jeunes. C'était tout le contraire. J'avais envie de discuter avec eux, d'échanger avec eux. C'était très, très enrichissant. Et les seuls moments où ils savaient plus rien dire, c'était « Ok, je pose la question, qui n'écoute pas de la musique sur son portable ?» Les personnes peuvent se lever. Il n'y a personne qui se lève. Tout le monde écoute la musique sur son portable. Tout le monde voit des clips sur son portable. Je leur dis, ben voilà, c'est très simple. Vous dites qu'on va se transformer en cochon, etc., en singe, et qu'on va être englouti par la terre. Ah ben, si c'était le cas, ben la moitié des Arabes et des musulmans le seraient déjà. Et il y a l'autre problème aussi qui s'est posé, qu'on a rencontré, c'est le manque d'informations. Ils sont pas informés du tout sur la culture arabo-musulmane, sur cette danse qui existait toujours, sur cette musique, sur la littérature arabe et musulmane, etc. Et donc, du coup, bah, je leur posais la question, parce qu'ils disaient, oui, l'imam nous a dit, d'accord, mais est-ce que vous lisez l'arabe, est-ce que vous comprenez l'arabe? Non, personne ne comprend l'arabe, personne ne parle l'arabe. Donc, ils interprètent pas les choses par eux-mêmes, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est une autre personne payée généralement et souvent par l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont là à leur expliquer des textes et à leur bourrer le crâne. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des profs qui se plaignaient, concrètement, de leur vie scolaire. Les profs ne peuvent pas parler d'évolution, ne peuvent pas parler de philosophie, ne peuvent parler de certains auteurs, etc. Tout de suite, ils avaient des contradicteurs et virulents en classe. Et surtout, beaucoup de jeunes qui sont dans le silence, qui ont peur de parler et de se faire tabasser. Et donc ça, c'est le gros, vraiment, on a fait pratiquement, je crois, une centaine de projections, et j'ai raté peut-être deux projections, mais j'étais souvent là. Et donc, bah, je vous passe le détail de toutes les projections en dehors de la Belgique, bien sûr, et toutes les confrontations qu'on a eues c'était pas des gens d'origine arabe musulmane, mais c'était des gens comme vous, par exemple, qui me disaient, au Canada, par exemple, ils me disaient, mais attention à ce que vous dites, parce que ici, on peut pas critiquer la religion, etc., etc., le blasphème, quoi. Et donc ça m'a un petit peu choqué. Jawad Radib, en voyant votre documentaire, quelque chose m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement qui s'appelle en Italie Addio Pizzo. Je le résume en quelques mots. En 2004, à Palerme, des commerçants qui ne veulent plus payer le pizzo, autrement dit l'argent que demande, exige, rançonne et raquette la mafia, vont réussir à retourner l'arme qui est pointée sur eux et vont engager les commerçants à participer à ce mouvement. Il faut rappeler que en 2019, la somme estimée récupérée par la mafia se monte à 1 milliard d'euros par ces petits prélèvements, puisque pizzo vient de pizzu, qui est le petit bec d'oiseau, autrement dit ça picore. Alors quand on est un bijoutier, c'est des plus grosses sommes, mais quand on est un modeste commerçant, ça peut être du 50, 60 euros. Et voilà 10 ans que Addio Pizzo s'est mis en route, la police les soutient, les juges n'hésitent plus à inculper pour complicité les entrepreneurs et les commerçants qui continuent de payer le pizzo. Il y a eu, là-bas, à Palerme, alors plus dans les villes que dans les campagnes, une forme de tentative par la jeune génération de renverser cette terrible habitude. Le problème, en fait, je connais un petit peu cette histoire parce que je connaissais pas en fait le terme utilisé, mais je connais cette histoire parce que justement on achète, nous, il y a un marché bio justement à côté de chez moi où on va acheter notamment de l'huile qui vient de Sicile. Et les producteurs, en fait, donc ce marché, entre autres, achète cette huile directement chez les producteurs qui se sont révoltés contre la mafia, justement, qui, elle, avait en charge de récolter tous les produits et de les vendre, en gros. Et donc, ils se sont révoltés, ils vendent directement au supermarché, etc., etc. Enfin, bref. Mais là, le problème, la différence, c'est qu'on a, en fait, les jeunes dont je parlais, par exemple, c'est des jeunes qui ne maîtrisent pas du tout la langue, qui sont en décalage vraiment énorme avec la culture arabe, musulmane, et même la culture en général, parce qu'on a vu aussi une différence entre les écoles. Il y a des écoles où l'enseignement, enfin où les jeunes arrivent à parler, à s'exprimer, et des écoles où les jeunes n'arrivent même pas à aligner une phrase complète. Et c'était vraiment choquant à ce niveau-là. Et on voit la différence entre les quartiers. Et donc, face à ces jeunes, on a des gens qui arrivent avec des imams, etc., qui arrivent avec des idées, qui leur balancent des choses, des textes, des interprétations, des explications, et les autres doivent croire à ça, et ils finissent par croire à ça. Et c'est le cas un peu partout dans le monde arabo-musulman, c'est qu'on a beaucoup d'analphabètes. C'est ça ce qui est malheureux, on a beaucoup d'analphabètes, des gens qui n'ont pas fait d'études, etc., et quand on a quelqu'un en face d'eux qui parle, qui a une le verbe, on le croit et on le suit et on l'écoute et on applique ce qu'il dit. Ça, c'est le problème. Et ces gens-là ont c'est-à-dire ils n'ont pas la possibilité de se révolter parce qu'ils n'ont pas ce bagage culturel pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas accès à la culture. Et la culture et l'éducation, c'est la meilleure arme pour pouvoir renverser justement cette situation. Mais on est très très loin pour ça, quoi. Jawad Ralib, à un moment dans votre documentaire, vous dites, en substance, ce ne sont pas vos mots exacts, mais je résume, votre interrogation, dois-je faire un pareil film? Dois-je lancer de pareils propos? Oui, c'est une question. C'est une question parce qu'aujourd'hui, vous avez fait ce film il y a déjà un petit moment, bah justement, vous parlez et vous argumentez, alors que encore au moment de l'écriture ou de la finalisation du documentaire, l'interrogation est... On vous devine plongé dans l'interrogation. Oui, tout à fait. Parce que justement, c'est la question que se pose beaucoup d'artistes d'origine arabe et musulmane, je ne parle pas des autres, qui sont dans la création, l'écriture, que ce soit des écrivains ou des journalistes, ou des danseurs, ou des chanteurs, ou des acteurs, etc., ou des réalisateurs, des cinéastes, c'est jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire? Qu'est-ce qu'on risque en écrivant un livre, en écrivant un article? Qu'est-ce qu'on risque pour nous, pour nos familles, nos proches, etc., et pour les gens aussi qui participent? Donc ça, c'est une question qui est pour chaque création, chaque écriture, on se pose toujours la même question. Là, le dernier film qui est en montage, parce que entre temps, après Autant les Arabes de danser, j'ai fait deux films. Hein, donc j'ai fait un documentaire qui s'appelle Fadma, c'est complètement différent. Ça se passe dans les montagnes du Haut Atlas marocain, où une femme va bouleverser la vie d'un village où les hommes dominaient. C'est tourné un peu avec un côté dérisoire à la comique quoi en quelque sorte, mais les hommes vont finir voilà par vivre l'enfer avec leurs femmes. Et il démarre là avec il est en sélection officielle à Hot Docs à Toronto, qui va être online à cause du coronavirus. Et j'ai fait un autre long métrage documentaire qui est en montage, qui s'appelle The Pink Revolution. C'est un titre provisoire sur la place des LGBTQ+ dans la ville, dans la cité. Et j'ai 5 personnages. Parmi ces personnages, il y a 3 personnages qui sont d'origine musulmane. Il y a un du Burundi, il y a une transgenre femme qui est d'origine algérienne, et un homosexuel demandeur d'asile d'origine marocaine. Et la question se posait sur leur place dans la ville, dans la cité. C'est un peu partout dans le monde, les homosexuels, ils vivent dans des quartiers sécurisés, safe zone, et dès qu'ils sortent de ces quartiers-là, ils sont tabassés, ils sont maltraités, ils sont lynchés, et c'est encore pire pour les LGBTQ+, d'origine arabe et musulmane, qui ont une tête d'arabe. Et là, justement, j'ai fait ce long métrage documentaire avec ces personnages qui se racontent, qui vont vers... C'est aussi tourné comme une fiction parce que, voilà, ils vont vers une révolution. Ils veulent s'imposer dans la ville, ils veulent sortir de ces quartiers sécurisés et exister ailleurs. Eh ben, je peux vous dire que c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Vous le verrez, vous le découvrirez plus tard. Je ne peux pas tout raconter, mais encore une fois, il y a la religion, la culture qui est là, très présente, et qui impose, et qui rejette des gens, et qui impose des lois. Et donc, ça ne s'arrête pas, ça n'arrête pas. Et donc, la même chose, ce film-là, pendant l'écriture déjà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que on parle d'homosexualité. Et l'homosexualité, elle est condamnée, vous le savez très très bien, comment elle est condamnée, comment elle est traitée, la communauté internationale arabo-musulmane. Jawad Ralib, rappelez-nous le titre de votre documentaire, s'il vous plaît. Le nouveau ? Non, celui que nous allons diffuser à la télévision suisse. D'accord. Autant les Arabes danser. Voilà, c'est à voir dimanche soir sur RTS2 et depuis dimanche sur le site des docs. Merci infiniment, Jawad Ralib. On va essayer de ne pas passer une dizaine d'années sans s'en reparler à nouveau. Bah, je pense que le prochain, vous l'aurez l'année prochaine. Très bien. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. À très bientôt et bon film. À la plage. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.